Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du Nouvel Explorateur avec Corentin sur Radio Fadjet. Nous sommes le mardi 1er octobre et il est 21h. Aujourd'hui, nous écouterons trois musiques albanaises. Oui, normalement, c'était les musiques kosovares, mais faute de musique kosovare, ça sera les musiques albanaises. Nous étudierons aussi la capitale du Kosovo au cours de l'émission. En avant pour la première musique de l'émission, qui est Elvana Gjata en featuring avec Capital T pour Fustani, maintenant sur du Fadjet dans le Nouvel Explorateur. We talk about money, we talk about fame, we talk about success. But at the end of the day, we got something much bigger. We obey you. But putting all the boy in a board, putting all the people on a card. So could I just cry by six or seven? Have you had a movie? I'd be a spinzer. When I bought shop, but he bought them. But I'm looking at problems. I'm still a make two but the lava. Club you to fear a tatata. Every young to cheer on a nana. So they could give all the promasala. Oh, promasala. Oh, promasala. Правда он, ты фалю, ты фалю. Бойца душ по правде он, ты фалю, ты фалю. Ты мой субботели, ты мой субботели, идеали. Ты мой субботели, ты мой субботели, идеали. Он за жом балон, ты море. Море кое не без своя. Поеди, поеди. C'était Elvana Gjata featuring avec Capital T pour Fustani sur Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Selon vous, la capitale kosovare est Belgrade, Podgorica ou Pristina? Il est temps de mettre une autre musique. Cette autre musique, ça sera encore Elvana Gjata pour I'm Done sur Fadjet dans le Nouvel Explorateur. C'était Elvana Gacha pour I'm Done, je suis à tout Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Souvenez-vous, avant cette musique, je vous demandais quelle était la capitale kosovare. Les propositions étaient A, Pristina, B, Podgorica ou C, Belgrade. La capitale kosovare est Pristina. Pristina est la plus grande ville du Kosovo, durement touchée par la guerre de 1998-1999. Pristina a su garder son caractère oriental avec ses petites maisons blanches et ses mosquées. Parmi les musées du Kosovo, récemment rénovés, est la mosquée impériale construite à l'initiative du sultan Mehmet Fatia en 1461. La découverte de Pristina ne peut se faire sans la visite du grand hammam construit en 1470 et divisé en deux parties avec un côté pour les hommes et l'autre pour les femmes. Enfin, construite au 19e siècle, la tour de l'horloge s'érige sur 26 mètres de hauteur. Elle servait à donner l'heure à l'ensemble des habitants. Toutes ces infos sont disponibles sur le site du routard.com sur internet. En avant pour la troisième musique de l'émission. La troisième musique de l'émission, ça sera Noisy pour Midistiron. I would probably be jealous and all that shit. Cause C'était Midi Styron de Noisy, un rappeur albanais. En avant toute pour la quatrième musique de l'émission, ce sera Paco et Lolave de Noisy et Gali sur The Fudget dans le Nouvel Splatter. Ai Cali. Questi parlano di parco ma non hanno mai giocato lì. Bambini nuovi al parco con in mano dei giocattoli. Sono pronto per il grande salto, faccio slalom tra gli ostacoli. Io porto rispetto e non faccio certe cose, io non parlo di se non ho psicoma, gli film psicodrama. All I hear is chicha, tre gomce che ne meva. FM Z si lava, 2 a 3 a 4. Check them back to Maya, set them back tomorrow. All I really think of, I swear them from Uzin. All I really care for, I swear them from Uzin. Tashvish me tisha te mia, mamma mia. Illyrian bloodline, no musha dia. I get high on my supply, harik tunnel per me po. Jena plot, ja vesh jank shusha. Kujdes se qa flet veçuna me lodrat e par kolorove. Kujdes se qa flet veçuna me lodrat e par kolorove. Kujdes qa tregon veçuna me hudit e par kolorove. Kujdes me kan flet veçuna me uzit e par kolorove. Ai, questi parlano di parco ma non hanno mai giocato lì. Bambini nuovi al parco con in mano dei giocattoli. Sono pronto per il grande salto, faccio slalom tra gli ostacoli. Io porto rispetto e non faccio certe cose, io non parlo di. Eravamo così poveri, politicamente scomodi. Siamo sempre positive. Fumo perché ecologi. Fidanzato con i miei amici, mollami. Non siamo mai fermi fossili. Metti le cuffie ed è come se fossi lì. Bravi bimbi fanno i compiti. Danse, questo rompicapo. Jungle, sono Aku. Sbanfo in giro come in Colorado. Ho fallito, ma è pure raddoppiato. Mai stentato, mai fatto bang bang. Sei circondato da tanti yes man. Mai fatto per i like e per i trend. Tu non sei gang, tu non sei my friend. Quidel se c'ha flet, vi c'una me lo trate par colerove. Quidel se c'ha flet, vi c'una me lo trate par colerove. Quidel se c'ha dragon, vi c'una me hoodie te par colerove. Quidel se me con flet, vi c'una me usi te par colerove. Questi parlano di parco ma non hanno mai giocato lì. Bambini nuovi al parco con in mano dei giocattoli. Sono pronto per il grande salto, faccio slalom tra gli ostacoli. Io porto rispetto e non faccio certe cose, io non parlo di. C'était Gali en featuring avec Noisy sur The Fudget dans le Nouvel Explorateur pour Parcours et Luaravé. Dès à présent, ça sera une cinquième musique albanaise, la cinquième musique albanaise, et c'est Sina Nocha pour Bomba sur The Fudget dans le Nouvel Explorateur. Bomba la playa, mami, eres un bomba. Mami, eres un bomba. Bomba la playa, mami, eres un bomba. Mami, eres un bomba. Mami, eres un bomba. Bomba la playa, mami, eres un bomba. Mami, eres un bomba. Bomba, anda la playa. kimem, amizem raimem. Lajka tua, shumë i dua, vitamin për mua. Mini, mini, dhe bikini, afër mos i rinim. Bomba, bomba, seksi bomba, ma dojka, ma dojka. Mami eres një bomba, mami eres një bomba, bomba, anda la playa. Centi vetëm luksi Gucci edhe Prada mini mini dhe bikini afër mos i rinim bomba bomba seksi bomba ma dojka ma dojka mami eres një bomba mami eres një bomba bomba anda la playa C'était Sinanoxa pour Bomba sur le Fadjet de la Nouvelle Explorateur. On va dès à présent continuer vers la sixième et dernière musique de l'émission avec ses musiques Lordana et Juliette sur le Fadjet dans le Nouvelle Explorateur. Das nicht erklären hier in Viertel. Immer unterwegs, folgt die bis nach Hongkong. Lass mich nicht allein, bitte Baby, komm schon. Fendi oder Louis, kommst du mir in London. Ram pa pa pam pa pa pa pa pa pa. Zieh die Kohle, sitz im Beamer. Pumpe Musik, Kokaina. Unser Lieblingsfarbe lila. Yeah. Hey Julie, Julie, ich bin Romeo. Du bist Gangster, doch süß wie ein Oreo. Bis nach Tokio. Hey Julie, Julie, wir denken, du machst schon die. Hey Julie, hey Julie, mit du Kur nur wie ein Fundi. Komm, hast du jetzt, komm, drogt, komm, wer? Mit dir und ich, das kann ich verloren, Instagram. Skruita, skruita, der Schiem ist schon Leute. Irland und Tonne, der Brüda. Aber du, ihr müsst nicht jorpen, Tamara, ich jocken. Mit du in deinen Dieten, mit du in deinen Noten. Mit du in deinen Koden, Buchen, Piotten, Tipp. Gifstat, kurtasho, unozen. Ooh la la la la. Lore, lore, lore. Nësë të këmbo gëzuni në her. I am so sorry. Lore, lore, lore. Ja ish mahez vira gut. Unë ish kovdi ja në gole. Në zhuria për dy është dhe madhe. Më e madhe si këtë male e livadhe. Tinglo më paka i gare. Për dashnia dhe ja fuzëm në nivale. Hey, Juli, Juli, ish bin Romeo. Du bis denkst da doch süß wie ein Oreo. Ich bin Juli, Juli. Geschäfte von hier bis nach Tokio. Hey Julie, Julie, wir denken, du machst schon die. Hey Julie, hey Julie, mit die Kur nur wie ein Fundi. Mit dir, er bringt die Lene Hohlen mit Klee. Der in der Sport, die ist mit Sü. Der in der Million nach Tui. Ich bin Julie, Julie, du bist Romeo. Geschäfte von hier bis nach Tokio. Hey Julie, Julie, wir denken, du machst schon die. c'était Musique Lordana pour Roméo et Juliette sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. C'était la dernière musique, il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le Nouvel Explorateur avec Corentin.